Même pas compte, si je décroche, c'est promis. Je te mettrai pas par la honte, si t'es plus moche que tes amis. Et puis je m'en fous des normes, t'es tout juste appétissante. Je suis sûr que tu penses que t'es énorme. Bien sûr ça compte les formes, mais ton sourire m'aurait suffi, donc je le rappe haut et fort. Pas besoin d'effort pour te succomber. Appelle-moi car je suis tombé comme dans un putain de précipice avec toi. Appelle-moi, je me précipite. Quand tu veux, appelle-moi. Comme tu veux, pourvu que tu me ressuscites. Car je suis comme mort, ou sous ta prise, en forme, t'en sors, t'en sors. Bugs. Bilbo Baggins, le Hobbit lui-même. Et bonne année aussi d'ailleurs. On a encore le droit. check, yo. Un beat, un texte, c'est ça mon job. Vas-y, déteste ou bien me sucer le sang. Je m'en bats les couilles, même si c'est vrai que t'as une vie triste. Viens me stopper, je m'en rappelle plus. Ok, c'est pas grave. Je sais ça. Problème, je continue quand même des formes, les mots, histoire qu'ils collent à mes phonèmes. Mais quand je suis sûr que c'est bonne. Une vibration, j'amène ainsi que peu de ruine en général cachée dans mes veines. Ou dans le spiff que j'ai au bec, car je m'en balèque. C'est Bilbo Mike pour tous les gars et tous les mecs. Et puis je ferme ma gueule pour rester correct et m'en fuis sur un clin d'œil. Il est temps que je m'y gêne, Dior. Thank you.